Mon père Madonnera choisi, mon père Madonnera choisi, d'un vieux ou d'un jeune mari, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la, d'un vieux ou d'un jeune mari, d'un vieux ou d'un jeune mari, moi je préférerais le vieux gris, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la, moi je préférerais le vieux gris, moi je préférerais le vieux gris, pour le mieux d'argent que je lui vis, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la, pour le mieux d'argent que je l'y vis, pour le mieux d'argent que je l'y vis. L'argent s'en dit, mais le vieux reste, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la. L'argent s'en dit, mais le vieux reste, l'argent s'en dit, mais le vieux reste. Je voudrais qu'il passerait un édit, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la. Je voudrais qu'il passerait un édit, je voudrais qu'il passerait un édit. Je nous écorchis tous les vieux gris, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la. Je nous écorchis tous les vues gris, que nos écorchis tous les vues gris, mais j'écorcherai bien mi tout vie, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la, mais j'écorcherai bien mi tout vie, mais j'écorcherai bien mi tout vie, pour en faire un tambour joli, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la, pour en faire un tambour joli, pour en faire un tambour joli, et toutes les catins de Paris, soit à la rigole, la la la la, soit à la rigole, la la, et toutes les catins de Paris, et toutes les catins de Paris, t'après cela, pio de mon vu gris, soit à la rigole, la la la l'air, soit à la rigole, la la, voilà.